cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Proverbe 15-13, c'est ça ma prière. Et selon ce marque qu'il a, et selon ses amis Badi Banga, Nicole Ngadi Triple, Véronica Binda, London. Mbalakisanga motoyambo ezadan. J'ai découvert que na vie nanga ozadan. Nzambe asala yo na motema mobimba bomba bona. Chandel Sindou. Nazela ki na bongola motema sima pesanga yo. Fiki Laronia. Excellence Egui Luando, Fondation Widal, ya Deborah Luando. Na etandi ya motema nanga o koma propriétaire. O abize te lobi na koma locataire. Soki ma we tondi na motema papi papa na ma ya ise mo la joie ya nike ndombasi. Eloko nini na mokili esi la kateo. Ata kutu filma Moïse pe esi la. Monsieur le maire Jeannot Kano Serge Midimbu. Pokana nga adresa se abolingo jete mefume suki epana ya. Mbaye bazanga mino bayo kakelenge mokuwa. Kaka na masolo Franke putu egle. Mokolo kolu kobo yanga. Ezala na se ambulao. Pomo na kota na maya miso na nga teo. Okome mpota na vina nga. Ngoko la sukali. Namono pa muta meli kongo bololo wo. Excellence Didier Boudimbo Kode kobo mwalanga ifa pon koi. Sophie Luboloko Ikeza ya bonya. Alain Dikita Bonya Dikete Mbolimbo Solo Koko Chibanda Fredi Ndonga Irlande Lidovic Chimwadi Archi Kaza ya Bonya. C'est vrai Yaiso Nega Central. Ça c'est Novelas Guilhem Kilemono Sabrina Vainqueur Iki Saïdia Zona Vive Roi, Foi Saint-Denis, Mali, la Congo. Amen. Sinta qui s'en pas à bosse, Bobo qui s'en pas. Voilà ce qui s'y passe. Bissa pour chef de ville, Philo Isengo. C'était pas pour mettre ouais. Chaque Beko Kanoubade, c'est le Janine Kazola pour me protéger. La Onya, c'est que c'est le meilleur buteur à championnat à Bolingo Amour. Rendez-vous dans Katia. Nicodème Zola, Edo Bila, le millionnaire, Jésus la London. Sylvie Gamiro, Mama Kenaya. Qui a sa extra joueur, Yagila Reda. Aïcha Okoko. Le colonel Samantha, les autres, il y a Chesco Ferré, les Blama Kamba, Hervé Mopali. Excellent, c'est Christophe Muzungu, le général John Chibangu, maître Benoît Kabengele. Voyez Biko Tiré, les Blayas Ola, Cédric Mvula, Papa Nakamera, Edgar Nguesso, Jubila. Fiki à soi, Fiki à championnat, Bolingo, rendez-vous dans Katia Terrain. Papa, Mimi, Chamba. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont à Kina Terrain. Alinga, tu as comprendre que Ale, qui Michael et Jordan. Voyez, Biko, chute, n'a pas né, y a Bilengi, Eric et Ndindi. Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe, Philippe Zachary et Kila. Flislin, Flismis, Onifli, Fluna, Flimas, Flijos. Chez Landzilla Arkelana PH.